Côte d'Azur et Saint-Tropez. Tour de France, Tour de France. Seul et les Pyrénées. Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées. Tour de France, Tour de France.

Gentlemen, attention. Computer. Thank you. special key and plays a little melody.

Я твой слуга, я твой работник. Eins, zwei, drei, vier. Nous sommes les mannequins. comme les mannequins. Et nous brisons la glace. Nous sommes les mannequins. Nous sommes les mannequins. Prendre le retard, on sait pas. Prendre la coupe, un APE. Prendre le retard, on sait pas. Prendre la coupe, un APE.